l'émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Monstre Marin. Passez une bonne soirée, bienvenue, une nouvelle semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h avec la Monster Party. C'est pour présenter le label Monstre Marin, label monté et créé par Maître Gims. Maître Gims qui va passer cette semaine avec nous dans l'émission entre 20h et 21h. Mais là, attention, comme c'est la première ce soir, nous recevons le directeur du label. Puisqu'il y a évidemment celui qui a créé le label Maître Gims, mais le directeur, le, comment on dit aux États-Unis, le label manager. Si, si, c'est ça. C'est ça, c'est Aria. Bienvenue, Aria. Salut, ça va? En pleine forme? Ouais, cool. Bon, un petit mot quand même juste avant sur Monstre Marin. Mm-hmm. Le label créé par Gims, l'ambition, c'est quoi de ce label? L'ambition, c'est de devenir le numéro un. Mm-hmm. Et non, en fait, lui, ça fait longtemps, on en parlait, il avait envie de créer son label, un peu le modèle un peu américain, un peu la Puff Daddy française. Quoi. C'est pour ça que j'ai dit label manager. Voilà. Donc il a rejoint Universal pour monter ce label. Ce label, aujourd'hui qui est au sein d'Universal, et lui, il est toujours au niveau de la présidence, au niveau de la gestion tous les jours, c'est moi. Mmh. Alors on peut déjà citer ceux qui sont signés sur le label. Il y a Vital Algerino qui ont rejoint. Vital Algerino. Bon, DJ Arafat. DJ Arafat, la grande star africaine. Mmh. Et on va révéler une grosse star ce soir. Amalia aussi, je voulais juste en parler dessus. Amalia qui a fait The Voice notamment. C'est ça. Et le nouveau groupe Marine Monster. Et Marine Monster, on va d'ailleurs débuter le Planète Rap avec dans quelques minutes. Et puis donc une nouvelle signature, c'est l'événement ce soir. C'est la grosse annonce de ce soir. Grosse annonce. On est allé chercher au fin fond du 9-3. C'était dur d'aller le dénicher. À Aubert. C'était très très dur. Mais on a réussi. Et vous l'avez trouvé? Ouais, avec un gros convoi, on a réussi. Non, c'est bien. On est très content de la signature et on voulait l'annoncer dès le premier jour du Planète Rap du label. Ouais, et puis on aura Gims aussi cette semaine parce qu'il est retenu, Gims. Il est retenu, à l'étranger pour un gros, justement pour le label, pour une grosse surprise aussi, mais il sera là en fin de semaine. Donc en fin de semaine on trouvera Gims entre 20h, peut-être qu'on essaiera de lui passer un coup de fil. On va essayer tout à de l'appeler pour voir avec le décalage horaire si on arrive à l'avoir. Si on arrive à le choper. Ouais. Et donc la signature, je te laisse annoncer, Aria. Il est là, il est à tes côtés. Là, il va parler, on va voir avec si la voix et les gens le reconnaissent. El General. Eh oui, El General Socrate dit McTayer. McTayer. Qui est là avec nous, comment ça va? Ça va Fred et toi? Donc toi tu rejoins, tu es le nouveau monstre marin. Je suis le monstre. tu es le monstre tout court. Le Kraken. Le monstre tout court en effet. Voilà. Bon, ça va? Ça va. On est là, une nouvelle aventure, un nouveau cycle. Et voilà, des bonnes choses. Ben ouais, en plus de, je sais que toi t'as fait tout un travail évidemment depuis plusieurs années en indépendant évidemment. Ouais, voilà. Là de signer avec, qu'est-ce que ça va t'apporter en plus en fait cette signature au sein de Monstre Marin. Moi je pense que, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup travaillé en indépendant. Mmh. J'ai sorti aussi une série de mixtapes, tu vois, il y a très récemment, qui était Banger Volume 1, Banger Volume 2, des Freestyle Untouchable. Et en fait, la rue me plébiscite beaucoup. Et elle devient frustrée du fait que je travaille, je donne du gros son et que ça soit pas plus exposé, que ça soit pas plus partagé. Et comme j'avais dit dans un morceau qui s'appelle Rap Game, où je disais ouais, dans ce Rap Game personne n'a partagé ma peine. Et voilà, il y a Monstre Marin qui est venu me voir dans un premier temps. J'étais un peu hésitant, ils m'ont travaillé au corps. Et puis j'ai vu des nouvelles perspectives, ils ont réussi à me convaincre. Et le but en fait c'est de ramener, tu vois, McTayer que tout le monde connaît à un autre niveau. Voilà. Et puis c'est peut-être aussi pour toi, voilà, c'est ce que je disais, passer un autre niveau. Et puis et ça reste un petit peu, je dirais, quelque part aussi dans l'indépendance, parce que je suppose que t'as une vraie liberté. C'est peut-être plus de signer avec oui, avec sinon, ce label. Je pas signer, tu vois, je suis une tête brûlée moi. C'est pour si ça que si on me laisse pas faire ce que je veux, c'est pour ça que je dis ça. C'est mort. Même que les monstres. C'est pour ça que je dis ça. Donc je pense que t'as aussi senti, voilà, l'opportunité d'avoir en effet une plus grosse exposition. Voilà, c'est ça. Et c'est bien. En plus, il y a Gims, il est un peu dans son délire comme moi je le suis, tu vois, il est perché, il est hors game. Moi je suis perché, je suis hors game. Mais chacun à sa façon, ça permet vous êtes retrouvé dans le hors game. Voilà, c'est ça. Bon, et puis t'es venu avec une grosse surprise aussi, je crois qu'il y a le premier morceau officiel de cette signature. Ouais, qui s'appelle Tout se paye. Tout se paye, qu'on va balancer dans un instant et juste avant sur Skyrock. Et ben le premier morceau, c'est en effet le pour commencer, le morceau c'est single. Donc ça c'est un groupe, on fera le medley juste après, on reviendra d'ailleurs dans un instant sur le label en medley. Mais là on balance le morceau pour commencer avec Marine Monster tout de suite. Yes. Allez, c'est parti sur Skyrock. Just one more time. n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know tonight. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. La la la la. Mais you what I know, young slow du nananana. On va commencer par faire du sale. T'as déjà vu des gens prendre leur frère une canne. Et les flics, les fanatiques de pas une canne. 9-9ème dans ces 9, on arrive en balle. Fix ma bouquet dans un Sharingan. J'arrive en balle, c'est all time, vas-y taille frère. 9ème zone, que des gaps sales, que des bails frais. J'ai la dalle, j'ai tout braille, oui oui, ça va le faire. J'ai la technique, ma boîte est nique, ton boyfriend. C'est la street, là où y'a pas de tempête. Là où ça casse la coque et des flingues dans des packs en paire. C'est un hold up, oui, vous êtes mort depuis. Contre ma incorporation, et que Black Panther. Elle est aussi stable, que des cas aussi stables. T'es mort dans le film, comme un des clans entouré de ses stars. Plus le temps, faut qu'on se casse, trop vif, tu constates. Bien slow, mais you wanna know, bah la constate. Mais you wanna know du night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. La la la la. Make you what I know, young slow du nananana. On va commencer par faire du sale. Hey yo miss, I'm sorry. C'est ton cœur, je l'ai déjà zébré. Tu me verras m'enjailler avec toute ma clique, mais jamais sautille. Je vous rivalise, vous dévalise. Pendant que me dit, gère le biche. Je veux être vendu au West Indies. Marine Monster, rest in peace. Tellement, tellement clair. Aucune, aucune peur. Laisse-nous faire. Ce morceau, c'est juste la l'air. Comment vous dire qu'on arrive en dessous? Putain, les gars, je peux vous faire un dessin. En fin d'année, vous allez vous chier dessus. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on veut des sous. J'suis pas le genre de mec, posé au bar. J'ai pas besoin de boire là-bas. On t'a dit que l'inspi vient de me dar. Casquette Vortex, net, flip bar. Make you wanna know du night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, j'suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. La la la la. Make you wanna know, young slow du nananana. Je vais commencer par faire du sol. La la la la. Make you wanna know, young slow du nananana. On va commencer par faire du sale. On va commencer par faire du sale. On va commencer par faire du sale. Make you wanna know the line. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. Make you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis. Je n'ai juste plus le time de me poser où la jambe aillit. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire du sol. À la Marine Monster avec Maître Gims pour annoncer donc la sortie de la Monster Party chapitre 1. C'est le 30 juin, lundi prochain, dans les bacs avec justement, tiens, comme Mac Taylor est là. Il y aura donc ajouté pour tous ceux qui vont le précommander et l'acheter sur le digital. Cette Monster Party, vous repartirez avec le morceau de Mac Taylor qu'on va découvrir dans un instant. Ouais. Qu'on va balancer dans un instant, qu'on va pouvoir découvrir. Mais juste avant, faisons un petit point en image et surtout en son sur la Monster Party, sur les artistes qu'on peut retrouver au sein de la Monster Party qui ressort le 30 juin et sur le label de Gim, ça donne ça. Planet Rap. Planet Rap. Skyrock. Je crois avoir rempli toutes mes obligations envers cette légende du monstre marin. L'équipe enquête sur un monstre marin gigantesque. Si nous descendions au fond des mers, nous serions surpris de voir les créatures qui hantent ces lieux. C'est le lieu. Every monster vient vous choquer, à peine arrivé, vous paniquez. Complètement Tom et moi-même étions sûrs de donner la chasse à une sorte de monstre marin. Sur la tête de ma mère, rien vu, rien entendu, monsieur le commissaire, je jure. Sur la tête de ma mère, madame la juge, j'ai rien à voir, t'as du mal à me croire, je te jure. Sur la tête de ma mère, nous étions certains d'être en présence d'un monstre marin. Mais qu'est-ce que tu fous là? Te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi. Et toi, t'as baisé cette chienne. Mais you wanna know the night. Je n'ai pas changé depuis, je n'ai juste plus le time de me poser ou la jambe baillie. Et à l'heure où je te parle, je suis peut-être dans un autre pays. Je vais vous raconter ma life en commençant par faire un Skyrock. Tu peux pas test, 9-3 tu peux pas test, 9-3 tu peux skyrock, 9-3 tu peux pas test, 9-3 tu peux pas aucun skyrock. Voilà les artistes que vous retrouverez sur le label avec certains de leurs classiques et tout qu'on écoutait dans le medley à l'instant. Et donc à la fin de ce medley, Mac Taylor qui est la nouvelle signature, c'est l'événement, on l'a pris là il y a quelques heures. Bon, vous évidemment vous saviez depuis longtemps. C'était un travail de fond pour pas aller si chercher longtemps que ça, pour aller chercher Mac Taylor. Travail de fond marin. Pour aller chercher travail Mac en sous-marin. Travail en sous-marin. Donc il rejoint l'équipe l'équipe Monstre Marin. Toi t'as déjà un petit calendrier en tête, un petit planning grosso ouais, modo de ce qui va se passer? Ouais, on a déjà un planning. Moi, je vais. Bon, on va clipper le morceau. On va sortir l'album début 2015. Mais on va pas mal travailler entre d'ici la fin d'année pour préparer une cigale qui va. Je prépare une cigale pour la fin d'année. Donc fin d'année à la cigale en concert. Voilà, et après on va tourner et on va faire sortir l'album en février-mars 2015. Donc février-mars 2015, ce sera ouais. L'album de Mac Taylor. On a un premier extrait qui est là voilà. Qu'on va pouvoir découvrir. Tu veux nous dire un mot sur ce morceau? C'est plutôt dans quelle lignée? Dans le côté banger ou c'est encore ça c'est côté banger un peu. C'est la suite de Rap Game, de Freestyle Untouchable 7. C'est ma colère à son maximum. Attends, voilà, encore en colère. Il en faut beaucoup pour me calmer. Même là avec le beau temps qui arrive, avec le mondial, avec tout. Ouais. Ah non, en même temps, au Cameroun. Ils font honte, hein. Non, bon, c'est des choses qui arrivent dans la compétition, regarde. Non, le comportement. Ah oui, comportement, c'est autre chose, ouais. Comportement, c'est encore autre chose. Ouais. Ouais. T'as suivi, donc forcément, t'étais un peu derrière le Cameroun, mais. Ouais. Bon, le Cameroun, maintenant, je me rattrape sur le Nigeria, vu que je suis moitié-moitié. Ah bah ouais. Bon, là, on écoute le morceau. Alors, okay. Il s'appelle comment ce morceau? On exclut. Tout se paye. Tout se paye. Morceau de Mac Taylor, qui d'ailleurs qu'on pourra avoir si on achète l'album. Le 30, il sera sur iTunes le 30 juin. D'accord, mais si on achète l'album, on l'aura peut-être aussi avec. Non, à part. Ah, c'est à part. C'est à part. Ah ouais, Mac Taylor, un mec à part, on le met. C'est un mec à part. On l'a mis. Alors on écoute tout ce play maintenant sur Skyrock, c'est parti. Produit par GoFast Music. Elle connaîtra les Chico. Ça vient d'Aubert. Yeah. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. 9-3. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tu marches sur mon cœur et je trouve que c'est mieux comme ça. Pas d'attache, pas moi que de cash. Violent comme un grand fan de calage. Pour moi, me cache. Les gueules des sociaux, moi j'ai pas le temps de dire qui va là. C'est la merde, venez dans la deux portes. Tout le monde à terre jusqu'à la maman. Malade, malade. Son comme un samouraï et salam. C'est trop la garde dans ma tête pour vous passer le salam. Odeur putride que des cadavres sous les sabots de mon cheval. Je suis comme l'apocalypse, y'a plus âme qui vit derrière moi. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tout se paye, tout se paye, tout se paye. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Malade, malade, malade, malade. C'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salaire. Malade. traumatisé. Je n'aime que traumatiser. Voilà, et encore pire que la PST. Toujours une envie d'acheter. C'est pur qui vient du continent. Moi j'ai la racaille, ambition. On va la pique dans tous les bâtiments. Patrouille, craque, quadruple, OD, guetteur en scène. Difficile de faire son genre. Surtout si tu n'as pas de gueule. Si tu n'as pas les connexions. Tu n'as pas les couilles de faire les choses. Y'a trop de voyous de studio qui s'amusent à faire les shows. Qui s'amusent à désorienter les petits frères du ghetto. Nous on investit, on te plaît. L'Amérique c'est pour les autres. Balade, balade. Balade, balade. C'est trop la carte de ma tête pour vous passer le salam. Balade, balade. Balade, balade. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salam. Tout se paye à l'instant, Mac Taylor. Donc voilà pour tous ceux peut-être qui se disaient Mac Taylor rejoint Monstre Marin. A priori, c'est du grand cru de Mac Taylor. Hein, ça, ouais, c'est bien, on se fait plaisir toujours. Et voilà, grosse vibes. Voilà, et on le disait il y a quelques minutes, donc Mac Taylor, la signature de Monstre Marin, le label monté par Maître Gims. Toi justement, ta carrière, si on fait un petit point sur l'ensemble de ta carrière, toi Mac Taylor, je sais que ça a été dur, que c'est dur parfois, même encore maintenant. Ouais. Mais comment tu la juges toi-même cette carrière? Bon, artistiquement, il y a deux visions de ma carrière hier. Artistiquement, j'ai fait pas mal de choses différentes, j'ai amené beaucoup de disques différents, j'ai beaucoup fait de choses, essayer de ramener beaucoup de choses au rap français. Et après, on va dire commercialement, je suis pas un mec à collectionner des trophées. Donc c'est un peu, mais j'ai toujours traversé le temps, donc c'est assez spécial. C'est mon cas, il est assez atypique parce que j'ai beaucoup de disques dans ma carrière. J'ai fait pas mal de gros titres. Bah, il y a Patrimoine du Ghetto, si on revient sur la discographie solo, c'était en 2005. Il y a eu ensuite le Général, qui était un double album aussi. Ouais, c'est vrai. Le D'où je viens en 2008. D'où je viens en 2008. Hat-Trick en 2010. Untouchable en 2012. Après, j'ai fait les collections de Banger, ouais. Après, j'ai fait les éditions Banger 1, Banger 2, 2013-2014. Et là, il y a mon album Je suis une légende en 2004. Quoi qu'il arrive, ça c'était quoi? C'était un album sur lequel déjà tu bossais avant de signer avec Monstre Marin? T'avais commencé t'as fait un petit peu dessus? Un peu, ouais. J'avais quelques morceaux thématiques que j'avais mis de côté pour l'album. Parce que toi, ton quotidien c'est quoi? C'est généralement d'être en studio, d'écrire, ou il y a des moments où t'as besoin aussi de souffler? Moi en fait, j'ai un gros studio dans ma cité. Ce qui fait que c'est mon QG, donc à tout moment je peux rentrer en studio, écrire et poser. Donc je suis en perpétuelle créativité, même quand je suis pas en mode studio. Tu vois, que je suis en voiture, que je suis avec les potos ou quoi, je suis en perpétuelle créativité. Donc ça peut être la nuit, le jour, tu peux foncer en studio d'un seul coup, dire je vais enregistrer. Mais moi je suis nocturne un peu, donc c'est surtout la nuit. Ouais. Ouais, c'est surtout la nuit. Il y aura un album en février, en mars 2015. À peu près. La date est à définir. L'extrait, on le remettra. Pour l'instant, les réactions continuent lourd le son. Je vois des messages arriver. Vous continuez les lourds, le morceau de Mac Taylor. Mac Taylor, les meufs sont dingues de ta voix. Mais écoutez, c'est limite. Ça fait toujours plaisir. Balancez les morceaux 41759 avec le hashtag justement Monster Party sur Skyrock. Vous envoyez des messages. On balancera ce morceau aussi là qui s'appelle Tous Pay. D'accord. Dans quelques minutes en fin d'émission, tu nous feras du live aussi. Ouais, je ferai du live aussi. Est-ce qu'on a des nouvelles de Gims? On l'a en ligne ou pas? Non. Non, toujours pas Gims. Gims qui est à l'étranger, qui devait passer en début de semaine et qu'on aura plutôt à Dubaï. En fin de semaine, qu'est-ce qu'on va mettre extrait de Monster Party? On va mettre X-Gang feat. Maître Gims. Un petit mot sur X-Gang. X-Gang, c'est le grand frère de Maître Gims. D'accord, c'est frangin. C'est le côté un peu urbain de la famille. Et ce titre-là, en particulier par rapport à... Il y a beaucoup de gens qui disent que Gims rappe plus trop, il chante. Ce titre-là, il remet un peu les gens en place. C'est Je Maîtrise qu'on balancera. Extrait de la Monster Party, chapitre 1. Ouais. Toi, justement, les gens qui sont signés au sein du label, c'est vrai que c'est assez varié. Hein. Ça va de l'Algérino à toi aussi, en passant par Vita. Ouais, en fait, il y a aussi Arafat, tu vois. DJ Arafat, en fait, on va dire qu'il y a Vita qui est une marque depuis longtemps, que je connais, avec qui j'ai déjà collaboré à plusieurs reprises. Algérino, j'ai jamais collaboré avec lui à la base. Après, il y a Arafat. Avec qui en plus j'avais envie de faire un truc. L'année dernière, on avait pensé à une idée d'un genre de son qu'on voulait faire, donc ça tombe bien et voilà quoi. Amalia aussi qui avait fait The Voice. Développement, ouais. Voilà, qui fait partie des artistes en développement. C'est ça aussi, trouver le bon équilibre dans un label. On fait de la musique, alors on cherche un peu des pistes différentes. mais d'aller signer comme quelqu'un comme Mac Taylor, qui a déjà un passif dans cette musique, dans l'urbain. C'est une marque qu'on voulait en urbain, c'est ça. Qui nous tenait à cœur. Bah, a priori, c'est réciproque. Mmh. Voilà. Bien entendu. Ariel, je le connais depuis très longtemps, tu vois. Toi aussi, tu le connais depuis très longtemps. Ça fait longtemps. Ça a joué un peu dans la balance. Non, c'est bien, ça rapproche les liens. Et Gims aimait beaucoup aussi ce qu'il faisait Taylor. Et au final, on s'est tous bien entendus. Toi, c'est quoi, vous, votre rencontre avec Gims? Vous êtes déjà... Non, à la base, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois au tout début de l'aventure Section d'Assaut, du premier album qui arrive. Je faisais partie, je les voyais souvent. Je disais, ouais, c'est bien la direction que vous prenez, tout ça. On était bien connectés. Ils suivaient aussi ce que je faisais. Voilà, les années sont passées. On s'est retrouvés encore à discuter. Il y avait c'est H. Magnum qui m'avait sollicité. Et qui m'en avait parlé, et quand il a vu qu'il y avait peut-être possibilité de le faire, il en a parlé à Gims, croyant que moi j'allais refuser directement, catégoriquement, et puis à la fin on a essayé de se conjuguer petit à petit, et voilà, on a trouvé la bonne. Et ben, le résultat est là maintenant, donc faudra attendre février-mars 2015 pour l'album de Mac Taylor d'ici là, et vous pourrez trouver le morceau Tous Paye en téléchargement. Et Banger 2 légal. Aussi. Parce que je viens de sortir ma mixtape il y a deux mois. Allons-y, Banger 2. Banger 2, voilà. Toujours en téléchargement légal, Légal. Et voilà, c'est la mixtape qui a buzzé ces derniers temps et qui a aussi permis la concrétisation. C'est ça. Je dis téléchargement légal, c'est vrai que c'est important, surtout toi, voilà, qui travaille en indépendant depuis plusieurs années. Ouais, c'est vrai qu'on supporte un artiste, souvent, on se dit, bon, on va le télécharger légalement, etc. Voilà, c'est ça. Donc, mais. C'est important aussi de montrer son soutien. Généralement, en plus, c'est des tarifs assez abordables. Voilà, on fait des prix pour les gens qui veulent soutenir. On leur donne la possibilité de pouvoir l'acheter, quoi. Et donc, vous pouvez trouver Banger 2 là, dès ce soir maintenant, en allant cliquer. Bougez pas dans un instant. On mettra donc le son avec X-Gang et Maître Gims qui s'appelle Je Maîtrise. On trouvera Mac Taylor. Il y aura du live avec Mac Taylor avant la fin de l'émission. Freestyle par téléphone aussi, 41-759 pour s'inscrire. Et on revient après ça. Comme toi, monstre marin, a choisi Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Le projet, c'est la Monster Party, chapitre 1. Ça sort le 30 juin avec en plus une nouvelle signature ce soir dans le studio. Mac Taylor, qui est là avec nous, qui rejoint l'équipe des monstres, tout court. Marin. Voilà. Entre 20h et 21h, on repassera le morceau. On va mettre aussi un extrait de Banger dans quelques minutes. Okay. Et là, on avait promis le titre de X-Gangs avec Maître Gims, Je Maîtrise. Juste avant, on va dire aussi un petit mot parce qu'il y a eu un concours depuis quelques semaines. Aria, le label manager. Ouais, c'est ça. Je te laisse parler du concours. Donc, il y a eu un gros concours sur les réseaux sociaux. C'est ça, par rapport au label. Et on a eu plus de 2000 participants. Sur ça, on en a qualifié 5 pour mercredi. L'idée, c'était quoi? D'envoyer une vidéo Soit on avait fait une page bien précise. Ils devaient télécharger une instru qui est dans la compile. Et aller faire. Il y en a, ils ont fait des clips, ils ont fait des trucs. Franchement, c'était super. Et il y en a 5 qui sont qualifiés pour mercredi venir ici en live. Bon, mercredi, donc on pourra aller découvrir peut-être de futurs monstres marins. Peut-être, qui sait, entre 20 et 21. Et à la suite donc de mercredi, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un gagnant et on offre au gagnant une séance studio dans les plus gros studios parisiens pour pouvoir faire une maquette dev, pour pouvoir démarcher les maisons disques. Et à suivre donc mercredi dans l'émission entre 20 et 21. On balance le morceau Je Maîtrise. On balance. Et après, on retrouve Mac Taylor aussi avec un extrait de Banger sur Skyrock. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Fier, déter, tu veux me balayer la tour que je devienne poussière. T'accélères un peu, abruti, t'en es tout fier. Get expert, laisse-moi gérer, laisse-moi tout faire. Dites aux enfants que nous vivons dans un monde spé où les gros poissons font disparaître les petits comme les MySpace. Tire dans le tas sans toucher d'innocents façon MySpace. Dans 2-3 ans tu comprendras, plus tu m'appelleras Mainflame. Fuck l'intérim, je suis un enfant terrible, peut-être un monstre terrifiant qui prend le périph' et je lâche mes bandes depuis le bec d'un pélican. Je suis un militant vivant. vampire, Emilico, bébé fort. Venise, Monte Calire, mes Milan, je déverse. Ma haine, je déboule quasi tous les Milan, tu ne le vois pas venir. Je fais du sale, je suis fatiguant, j'ai des textes. En or, tout comme le sol du Vatican, je suis un putain de rappeur avec la voix d'Arrogant, le style de Pax, Arrogant, je suis un team, tu nous dis, nous communiquons, nous dis que tu es grand, l'ego qui veut pas une œuvre, prototype, fils de pierre, t'es gotrique. Je maîtrise, on maîtrise, je maîtrise. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Si je salis mes cahiers, c'est pour éviter de nettoyer. Je charme mon rap comme ces rappeurs qui racontent que du pipo. X-Gangs, me truc une seule sans t'attendre, j'ai payé, c'est pas du mytho. Ça s'agit tellement autour de moi, ma sabo pandanier. S-O-L-J, Adener, tu peux demander à tous les miens, t'es ma bien. Ça tape des DJ Gata, mais des loin. Ça y est, c'est parti, prenez tête à tête dans les coins. Tellement fort, je me bats la bouche, je peux faire un truc de ouf. Que tu poses des questions, des sons, putain, ce mec est solo comment. Cherche pas, je vais vous la mettre. Un peu ou plein, t'as douté de moi. T'as eu tort, 100% du nard. On m'animène. Je maîtrise, je maîtrise comme un ambo. Mat comme moi, je trime pour mieux rimer. Pas droit à l'erreur et surtout pas m'afficher. Naïe, Rocha, Bolingo. C'est d'art, pas temps pour du répit. Ça va trop de speed, mon harmonie. On te l'avait dit, c'est d'art. Je vous y comprends si les yeux fermés comme un ninja. Mat mon chakra, mon art, on te l'a mis. Je maîtrise, on maîtrise, je maîtrise. J'ai baisé mes ennemis sans pitié, la haine, mais le seum en moi. Ma violence est non limitée, tout n'a pas tout n'a. Trop de temps, ma nature, mon gage de ton casson, je vais pas. Wesh, bouffant, normal, tu verras couler ton sang sur ce sang. Trop de style de flow, c'est évident. Casse-toi, tu fais pas le poids, passe à l'Okage. MM, Soldier est là, bande de rigolos. C'est Paris, petit enfoiré, l'inspiration des endroits sort. Dites, il est vrai qu'il t'aige, les mecs du gars bâti tout dans les orties. Trop de style, sous tes wham, pendant que d'autres me torpillent. En 2012, tu tapes ton fac, Muggy fait du hors-piste. Moins de 16, poussez-vous, là ça devient corps. C'est ta fait de Marion en connaissance, je cause là dans le vortex, vos textes, laisse à désirer, vous voilà vexé. Comprends ce que j'ai, je mets des flèches, il faut que la tombe à Ramsès. Paraissant, par ici, bienvenue chez les paresseux. Paresseux, juste un tout petit peu, mais jamais pour le son. Je parais sombre, pourtant rien que je brille à chaque apparition. Je suis pas rassuré, si t'as un plan paradis, on se pense. Si tu manges et marches avec moi, c'est qu'on shoot sur la même cible. Ouais, je remplis les salles et fais du frochis comme au Marzi. Donc on fait toi tout petit, je suis psychologue à la psy. J'arrive sans prévenir tout comme un tsunami sur Lansing. C'est un morceau que vous retrouverez la semaine prochaine dans les bacs avec la Monster Party chapitre 1 X-Gang avec Maître Gims. Je maîtrise à l'instant sur Skyrock. Mac Taylor est là avec nous. On va balancer un morceau extrait de Banger dans quelques minutes. Ouais. Est-ce qu'il y aura peut-être d'ailleurs un Banger avant la sortie de l'album en février-mars 2015, le troisième? Non, je pense pas qu'il y aura un Banger 3. Je pense que je vais me concentrer sur l'album. Sur l'album. Faire un gros disque, prendre mon temps et faire un gros disque. Bon, on écoutera aussi le morceau qu'on a passé tout à l'heure. Qui annonce ta signature au sein de Monstre Marin Corporations. Ok. Et juste avant, on est avec Nino de Clermont-Ferrand. Salut Nino. Oui, je ferai bien quoi. Ça va et toi Nino? Ouais, ça va. Bienvenue dans ce Planète Rap consacré à Monstre Marin, le label le de Gims. Qu'est-ce qu'il y a Nino? Il dit wesh les Monsters. Les Monsters avec Mac Taylor qui est là, qui est le nouveau monstre. qui vient de rejoindre l'équipe. Et toi Nino, prêt à rapper? C'est parti. Ouais, je suis prêt. Ouais. Allez, session freestyle par téléphone, on t'écoute. Ok. J'arrive dans le game solo, non, j'ai pas de profit. J'arrive dans le game solo, non, j'ai pas de profit. J'arrive juste sur le terrain pour mettre des gifs à ces imbéciles. Je vois tout le monde qui grimpe, donc faut pas que je reste passif. Je viens de là-haut pour de l'argent, ça ferait des missions impossibles. Brené, tu fais le fou MC bien qu'on ça dans notre freestyle. Même si tu soulèves des kills, devant moi tu seras pas taille. Je kick sale donc décale, je fais pas dans le détail. Je vous élimine, t'es le prochain sur la liste, un conseil d'étale. J'arrive en balle, me rapporte max, toi on baisse pas. J'ouvre comment ça kick, pas mal que ta meuf soit en extase. Je suis qu'un petit peu d'après vous n'est-ce pas. Je vous baisse sur beat, on a capé là donc teste pas. J'ai besoin d'espace, faire du casse en vitesse. Je vais donner mon corps en la science, même si je suis d'une autre espèce. No stress, je suis venu prendre ma part. Non, je suis venu prendre ma part, le gâteau et tous vos cascades. Oui, j'aimerais percer vite. Ça fait 5 ans que je taffe malgré les coups durs, je persévère. J'rappe pour ceux qui disent que ni au pire à grave sévère. Tu négligé, tu fais sonner mon tel quand je percée vite. Je veux augmenter le niveau de 15 crans. Je suis type calibré qui fait la diff devant 15 crans. Oui, je me permets de jouer dans la cour des grands. Déterminé, préparez-vous à me voir sur tous vos écrans. Yeah. Yeah, Nino, Clermont-Ferrand. Ouais. Il rappe, hein. Il a des petites phrases bien, là. Ouais, bien, Nino, hein. Validé par le général McTayer qui est là avec nous. Aïe, aïe, aïe, ça fait plaisir. Petite dédicace à passer, Nino, on peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, c'est le moment où je fais une grosse dédicace déjà à tous les participants du concours Marine Monster. Ah, tu as participé toi aussi, Nino? Ouais, moi j'ai participé, ouais. Je fais une grosse dédicace à eux tous. Mmh. Je fais une grosse dédicace à toute ma petite ville de Montluçon, tout Clermont-Ferrand. Je fais une grosse dédicace à toute ma famille. Et vous pouvez me retrouver sur le net, sur Twitter. C'est @NinoCRS. Sur Facebook, Nino, c'est ma page Facebook. Et sur YouTube, bah, c'est Nino FPT. Voilà, et bah ça roule. Merci à toi, Nino. Vas-y, merci à vous. À bientôt. Ouais. Salut. Ciao mon pote. Tailleur avec nous. On va aussi faire du live dans un instant. Là, on balance donc un extrait banger. Ouais, rap game. Décharge de folie. Quoi. À la Mac Tailleur. Voilà. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Rap game. Killer. Rap game. Rien à foutre de ce qu'il y a de merde. Rap game. Rap game. Rap game. Dans les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partagé ma peine, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partagé ma peine, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. On s'en bat les yeux, on s'en bat les yeux, on s'en bat les yeux, le général s'en bat les yeux. Hier tu t'es fait et tout, mais la chance s'en bat les yeux. On s'en bat les yeux, le général s'en bat les yeux. On me dit que le rap est en couille, je dis que j'ai rien à voir à chaque fois. Ce soir je perds mon sang froid, j'ai le cœur qui chauffe comme la tête sous la chapka. L'industrie va me hakan. Mais moi j'ai l'avantage de voyou. On s'en bat les yeux, le général s'en bat les yeux. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partagé ma peine, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partager ma peine, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. On s'en bat les yeux, on s'en bat les yeux, on s'en bat les yeux, le général s'en bat les yeux. Tu vas de la gueule trop, je te voyais percer dans le teuf fou. Pas de chance, pas de chance. On s'en bat les yeux, le général s'en bat les yeux. La drogue est de West Indies, ouais. La SS gérée par les Rasta. Pas besoin de calabre et de marquer des autres, ça a toujours été mon tata. Sans que le diable soit passé par là, je sens mes démons qui me chahutent. On s'en bat les yeux, le général s'en bat les yeux. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partagé ma peine, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partagé ma peine, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. On s'en bat les yeux, on s'en bat les yeux, on s'en bat les yeux. Général s'en bat les yeux, ça va les vents tous les matins. Parce qu'il est pété dans les terres, fous. On s'en bat les yeux, le général s'en bat les yeux. ça pue la chatte dans ce rap game. Genre de kefter dans son manoir. Un raid de cocaïne et des grosses batteries sont une arme de leur avoir. Si j'ai des lames dans la voix, c'est qu'elle n'arrive plus à couler. On s'en bat les coups, les généraux s'en bat les coups. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ils sont personnes à partager ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partagé ma peine, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Partagé ma peine, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Rap game, rap game, rap game. Si je vous sors les armes, c'est qu'ici personne n'a partagé ma peine. Je partage la peine des frérots. Boulaye, Souma, KRE, Bamchich, Linder. Y'a encore du monde. Y'a qui là? Y'a un Fleury. A tous les frérots qui sont au placard, tenez bon. A Biro, à Chizy là-bas à Bourges. El Khenechal et Chico. Pour tous les soldats. C'est extrait de Banger à l'instant, Rap Game. Mac Taylor, c'est les projets que t'as sortis justement. Il y a Banger 1, Banger voilà, 2. Voilà, voilà. C'est un truc qui a bien pris, qui a pas mal marché. C'est très bien. C'est bien. Nouveau cycle. Nouveau cycle qui débute là avec un nouveau morceau que tu nous as apporté qu'on va réécouter dans quelques minutes. Ok, tout se paye. Tout se paye. Cette signature sur le label Monstre Mara avec un album qui sera prévu donc pour 2015 plutôt. Voilà. Avec une cigale en fin d'année. Cigale fin d'année aussi. Voilà. Tournée peut-être aussi pour toi. Voilà. Donc Mac Taylor, allez vous renseigner pour le suivre un peu partout sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on fait un peu de live? Ouais, on va faire un petit live tranquille. T'es chaud? Ouais, je suis chaud. T'es chaud toujours? Ouais, toujours. Et bah c'est parti quand vous voulez, session live maintenant. C'est dans Planète Rap, Mac Taylor au micro. Ok. Yeah. El General Chico. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai le zahir dans le sang, toujours le cœur en peine. Dans ce monde, il me sera difficile de partir en paix. Dans la vie qui peut avancer sans se prendre de peine. J'ai des potos d'enfance, le nez dans la one again. Pourtant, c'est nous qui l'avons dans cette one again. Tu m'as voulu du mal, aujourd'hui, faut que tu payes. Si la calage s'énerve, tu sais que tu vas prendre cher. Je démasse les doubles faces, je n'attends pas qu'on baisse. Là tu m'en es gros, je passe sur la vie de ta mère. D'un coup le ciel se recouvre foudroyé par le tonnerre. Je n'ai qu'à pousser la porte pour entrer en enfer. Je regrette déjà ces prières que je n'ai pas faites. A tous les gangsters qui se battent pour la famille. A tous les gangsters qui luttent contre la famine. L'insermis c'est rien, ça y est je suis immunisé. Trop d'années de carplage, je suis déshumanisé. A tous les gangsters qui se battent pour la famille. A tous les gangsters qui luttent contre la famine. L'insermis c'est rien, ça y est je suis immunisé. Trop d'années de carplage, je suis déshumanisé. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Je viens chez toi, je me sais pas sur ton siège. Siège, siège. Là c'est vendu par un bonhomme de neige. Neige, neige. J'écoute la concurrence, j'entends qu'ils sont tous légers. Nuages magiques de Son Goku pour m'envoler dans le ciel. Je suis comme tortue génial parce que j'aime trop les fesses. De trop en terme on dit que je pue trop le sexe. Une peine sentimentale, je constate que c'est vrai. Faut que je sois multimillionnaire, je trouve que c'est vrai. Un touch pour rien, sinon vous êtes des traîtres. Un touch pour rien, sinon vous êtes des traîtres. 93 au père, on fait les choses en secret. On a retrouvé ton corps, on sait pas qui t'a wet. Ouais, ouais, ouais. Qui se battent pour la famille. A tous les gangsters qui luttent contre la famine. L'insermis c'est rien, ça y est, je suis immunisé. Trop d'années de carplage, je suis déshumanisé. A tous les gangsters qui se battent pour la famille. A tous les gangsters qui luttent contre la famine. L'insermis c'est rien, ça y est, je suis immunisé. Trop d'années de carplage, je suis déshumanisé. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu payes. Tu casses, tu payes. Trois coups de fou sur une bécane en raid. Cagoulé dans le hall, tu bicraves à la la chaîne. Chaîne, chaîne. Tu pars au cristal, tu prends le fun d'une chienne. Chaîne, chaîne. Et tu dirais que tu connais pas son name. Socrate is my name, what is your name? T'inquiète, la prochaine fois, c'est moi qui t'appelle. Que des louches partout, des langues de pute qui traînent. Ils ont vendu 2-3 kills, je sais pas pour qui ils se prennent. Rap game de merde, playlist de merde. Le rap ça marche pas, on se démerde. Deux des vrais amis, mais j'en ai quand même. Si je monte sur la bécane, c'est pour l'effacer moi-même. Ouais, ouais, ouais, faut ça pour la famille. Un de les gangsters qui luttent contre la famine. La service c'est rien, ça y est, je suis immunisé. Trop d'années de cap-là, je suis déshumanisé. À tous les gangsters qui se battent pour la famille. À tous les gangsters qui luttent contre la famine. La service c'est rien, ça y est, je suis immunisé. Trop d'années de cap-là, je suis déshumanisé. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Tu casses, tu payes. Untouchable soldat, chou quoi ce soir. Ça vient d'Aubert mon frère. Elle finira les Chico. Chez Monstre Marin maintenant. Tire, tire. Mister Untouchable. On est toujours là, ça fait 15 ans qu'on est là. Untouchable. Tire. Mac Taylor. Untouchable. Des tandems. 2014. La vie nous a fait du mal, la vie nous a fait du bien. Ici on rêve de gens hard, pas comme les princes saoudiens. Je rappe en indépendant, j'espère que tu me soutiens. Touchable sur l'étendard, tu sais qu'on revient de loin. J'ai vendu pour manger du pain, pas pour une paire de loup-boutin. M'a rabouté par une putain, et t'as tout pris, tu restes en chien. 3-7 sur le coussin, ça sent la mort comme à la Toussaint. Impuissant face au drame du quartier, vécu malsain. Peine de cœur, peine de carte plat, je cherche mon chemin. Écoute ces notes de piano, regarde le ciel et fume ton joint. Si l'hiver est prospère, je prépare le mariage pour le mois de juin. T'es bonne, tes cours me rendent ouf comme l'argent du terrain. Minute de silence pour les défunts, le cœur froid comme un assassin. Famille modèle dans une villa, un cadavre dans le jardin. J'ai pas la chance, à du jardin, je vis dans le chagrin. Ma prochaine meuf aura les yeux verts, les cheveux châtains. Derrière les murs du château, le roi pleure comme un gamin. Les soins se crient sous mes yeux, mais j'ai la chance d'être africain. La chance d'être en bonne santé, la chance de voir les médecins. La chance d'être en liberté, la chance d'être parmi les miens. La galère, ça rend bête, tu lèves ton compète, tu crèves, tu laisses le quartier en deuil. Et ta mère encore plus seule, putain. Tout le monde peut tuer tout le monde, personne n'est surhumain. Enchaîne, sera difficile de faire ta peine sur une main. Les gens sur qui je peux compter, je peux les compter sur une main. J'ai rencontré 2-3 meufs, je ne sais pas si c'est des filles bien. Vendredi prochain, si tu veux, je les appelle qu'on aille dîner. J'espère être touché par la flèche du bébé ailé. Je passe un peu à la télé, je passe un peu à la radio. Tu peux acheter mes CD ou continuer de sucer les autres. La gang m'empêche de prendre de l'altitude. Négro avec de l'attitude, Kaira comme d'habitude. Je regarde même plus les infos, c'est la guerre dans mon ghetto. Est la liste pour ma peau, la haine sous les impôts. Père et mère qui se lèvent à l'aube en même temps les keufs viennent te prendre. Le gouvernement désire affaiblir les récalcitrants. On sait même plus comment s'y prendre, on sait même plus dire un je t'aime. Pour pénétrer le code vert, ils ont su armer les rebelles. Un dictateur est juste un mauvais toutou. Dans mon cœur, je porte Kadhafi, Saddam et Mobutu. L'art de la guerre de Sun Tzu, je vous conseille de le lire. L'homme impulse s'est fait violent, ne construit pas son empire. Entraîne-toi au stand de tir, ta chance faudra pas la louper. Jette une chaloupe à la mer si le navire doit couler. On se bat, mon, que des enculés qui souhaitent que tu recules. Si tu ne tiens qu'à une balle, gilet pare-balles sous le but. Si je dois crever d'un cancer, je suis vieux, laissez-moi mourir. Déjà que la vie est très dure, j'ai eu la chance de vieillir. Mon nom, tu peux le salir, je sais que l'homme est mauvais. Gros yeux, sourcils en l'air, ceux qui n'arrivent à rien me détestent. J'ai offert des opportunités, j'avais trop de cœur. Bref, art, on partage pas son trésor en période de guerre. M'en bats les couilles, ce qui est fait, fait. Dans ma carrière, j'ai tout fait, sauf collectionner les trophées. Va te faire enculer, on m'arrache pas comme ça de mes racines. Insomniaque, j'essaie de trouver le sommeil en comptant mes ennemis. À la mine. Une sensation d'être arrivé au bout de ma vie. Une part de folie prononcée, mais j'ai pas besoin de psy. Plutôt d'un brelique, d'un bifton ou bien d'un passeport. J'aurais l'air plus sympathique que Terminator. Socrate en plein cœur de la discorde. J'ai vu l'espoir du ghetto français suspendu à une corde. Ai-je encore besoin de dire qui je suis? 9-3 dans le regard du logo pour savoir qui me suis. Ai-je encore besoin de dire qui je suis? 9-3 dans le regard du logo pour savoir qui me suit. Back tailleur sur Skyrock. Big up à Monstre Marin. Nouvelle aventure, saga continue. El General et Chico. Ai-je encore besoin de dire qui je suis? 9-3 dans le regard du logo pour savoir qui me suit. Yeah. Yeah. Je remercie tous mes untouchables soldats Aubert, tous ceux qui me soutiennent. Je remercie Aria ici présent avec moi. On est parti pour une nouvelle aventure. On va essayer de faire briller le vrai rap. Merci Aria. Merci à toi aussi. Merci Fred. Ça fait longtemps qu'on se connaît quand même. Hein. Et l'aventure continue surtout. L'aventure continue. C'est ça le plus important. Mac Tailleur, à l'instant, tu vois, tout à l'heure quand on parlait du parcours et tout, je trouve que ça résume bien parce que c'est vrai que sur ce morceau, tu fais un point un petit peu sur ton parcours avec un regard un petit peu aussi, hein, une espèce de mélancolie un petit peu en se disant bon, je suis toujours là, ça a été dur, mais mais il y a aussi voilà, il y a une note d'espoir sur ce morceau et, voilà, et en effet, tu le dis, l'aventure continue et c'est vrai que là, une nouvelle aventure s'ouvre avec cette signature sur Monstre Marin. Voilà, et on est optimiste, on est bien, on a de l'inspi, on a la pêche. Oui, j'ai demandé, il y a pas mal d'inspi en ce moment, il y a. Ouais, je sors beaucoup de trucs, tu vois. C'est bien. Bon, bah, et voilà, une nouvelle vibe qui est en route pour Mac Tailleur. Voilà. Et en live, je pense qu'on peut faire du bruit pour Mac Tailleur, s'il vous plaît, tous les Untouchable Soldiers qui sont là. Merci. Qui sont venus, qui te suivent aussi, qui te suivent un peu partout. C'est les petits de mon quartier, c'est les gars, ils me suivent, je suis leur grand frère, c'est mes petits frères, je leur donne beaucoup de respect, je leur remercie pour le soutien. Dédicace, Fusain, si t'es green. Et voilà, hein, on est là, on va faire du sale, c'est que le début, Ghetto Star, c'est les nouveaux soldats qui arrivent lourds, hein, ça va faire du sale. Bien. Et avant de se quitter justement, bah, ça c'est le premier morceau donc qui annonce cette signature chez Monstre Marin. Ouais. On l'a passé tout à l'heure, on le remet maintenant pour conclure Planète Rap. Ouais, concluons. Tout se paye maintenant, Mac Tailleur sur Skyrock. Dieu le rap game, elle connaîtra les Zaf comme pas possible. Tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tout se paye. Allez dire à mes détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. J'ai marché sur mon cœur et je trouve que c'est mieux comme ça. Pas de tête, pas moi, que de cash, violent comme un rap de calage. Où est mon cash? Les gars descendent chez moi, j'ai pas le temps de dire qui va là. Ils sont? C'est la merde, elle est dans la teuf. Tout le monde a terre jusqu'à la maman. Ils sont? Elle générale. C'est trop la garde dans ma tête pour vous passer le salam. On a plus de que des cadavres sous les sabots de mon cheval. Je suis comme l'apocalypse, y'a plus âme qui vit derrière moi. Tout se paye. Allez dire à vos rappeurs qu'aujourd'hui tout se paye. Tout se paye. Allez dire à vos détracteurs qu'aujourd'hui tout se paye. Malade. Yeah. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salaire. Malade. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salaire. Au quartier ça craint. Ouais. Je n'aime pas dramatiser. Ah ouais? Je n'aime que traumatiser. Voilà, il y a encore pire que la peste. Hein, Woody, fais quelque chose pour. Toujours une envie d'acheter. C'est toi qui vient du continent. Dieu. Moi j'ai la racaille ambition. On va la pécrave dans tous les bâtiments. Patrouille, crack, quadru, OD, guetteur en scène. Difficile de faire son genre. Surtout si tu n'as pas de gueule. Si tu n'as pas les connexions. Tu n'as pas les couilles de faire les choses. Y'a trop de voyous de studio qui s'amusent à faire les choses. Qui s'amusent à désorienter les petits frères du ghetto. Nous on investit au double. L'Amérique c'est pour les autres. Pour vous passer le salam. Malade. C'est trop la guerre dans ma tête pour vous passer le salam. El General et Chico. Mac Taylor, tout se paye, signé le nouveau monstre. C'est ça. Marin. Ah. The Monster. The Monster. Sur le label. Merci en tout cas, Mac Taylor, d'être passé ce soir. Voilà, merci, une nouvelle page, une nouvelle aventure. Voilà, merci. Avec Monstre Marin, un album qui arrivera début 2015. Voilà, voilà. Et qu'on suivra sur le label. Aria, merci d'être passé aussi ce soir. On sera demain. Ouais. On aura Gims aussi dans la semaine, je dis ça, parce qu'on devait l'avoir même par téléphone. Semaine, c'est compliqué, il est à l'étranger. Ouais, fin de semaine, il sera là. Mais. Un gros big up à GoFast Music, Chris Bavo, tous les mecs d'Aubert, tous les mecs de Sanny, tous les frères qui nous ont soutenus jusqu'à présent. Merci à tout le monde. À tous les mecs au placard aussi, frère. La liste est longue, on peut pas tous vous dire. Merci à vous tous. Demain une nouvelle soirée d'autres artistes et d'autres surprises. Et bah d'autres surprises. Et là, juste avant de se quitter, avant d'en trouver D-Fall, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock offre le DVD Pompéi et plus d'une GoPro par jour. Salut Tiffany de Nantes, ça va bien Tiffany? Salut Fred, ouais. Bienvenue, ça va, dans cette ambiance Monster Party avec nous entre 20 et 21. Apparemment, il y a du beau monde avec nous. Et il y a du monde, il y a Mac Taylor qui est là avec nous entre 20 et 21 sur Skyrock. Et puis plein d'artistes qui vont passer tous les soirs de la semaine signés sur le label de Gims. Tiffany, dès que tu veux, tu dis stop, on y va, on fait tourner? On fait tourner. Allez, c'est parti, il y a les DVD Pompéi à choper, les GoPro qui vont avec. Ok. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et ben voilà, DVD Pompéi qui arrive à la maison, c'est merci, pour toi. Merci, on t'envoie ça rapidement. C'est cool, merci. Bisous, bonne Tiffany. Soirée, Fred. Bisous, ciao. Salut, ciao, ciao. Passe une bonne soirée, merci Mac Taylor, bonne soirée aussi. Merci à toi Fred. Et puis voilà. Et merci à toute l'équipe qui est passée, qui est venue soutenir. Ouais, merci à vous. Monstre Marin continue. On a débuté la semaine fort. On a continué avec la grosse surprise, la signature de Mac Taylor. Qui est sur les chapeaux de roue. Demain, rien. On a un petit point sur le programme ou pas? On sait qui va passer? Non, demain il y aura les Marines. Il y aura les Marines Monster. L'ancienne et l'Algérie. Non. Et bon, on fera connaissance avec tout le monde, du moins pour les Marines Monster. Demain entre 20 et 21. Et là, on va retrouver D-Fall maintenant. Et oui Fred, et oui. Salut tout le monde. Hello hello. Salut les monstres marins. La Monster Party continue demain alors. Et la Monster Party de retour entre 20 et 20, un petit peu avant 20h. Et ben juste avant 20h, on sera là. Passez une bonne soirée. Big up à toi Fredo. Et ben vous aussi. Bonne soirée bien. À vous tous. Déjà au téléphone avec vous, ça appelle déjà. Vous nous appelez à 01 53 40 30 20 si vous voulez passer dans l'émission. On va revenir au week-end de fou là. Week-end de fou avec la fête de la musique. Ah ouais, ouais. Week-end de fou avec le match de l'équipe de France. Magnifique. Ouais, très beau match. En route vers la finale de la Coupe du Monde, bien sûr. Bah oui. Bah évidemment. Tout le monde le dit. Hein, ouais. Non, c'est clair. En 15 jours, on est complètement schizo, les Français. Et même votre bête l'a dit ou pas encore? L'animal, bien sûr. Bah ouais. Ah, attends, on n'a pas fait ça encore. Ce matin, il a fait le pronostic de Brésil-Cameroun. Désolé pour les Camerounais, mais c'est les Brésiliens qui gagnent ce soir. Ça va. Ouais. Suivra le match dans une heure, ça démarre à 22h les matchs. 22h les matchs ce soir. Bon, un autre match à retrouver, tiens, on fera ça peut-être juste avant 22h. Ouais. C'est le match que oppose Cédric à Romano. Le clash de la drague. Il faudra voter Cédric. Ouais, il faudrait tester la bête là-dessus d'ailleurs. Ouais, c'est soit renif Cédric, soit renif Romano. Alors pour ceux qui débarquent, ils se jettent. Mais qui est la bête? Oui, qui est la bête? Alors, vous dites, c'est Cédric, Momo. Non, eh bien non. Presque. Non, c'est leur enfant. C'est pas la même taille. Hein, non, c'est pas tout à fait notre enfant. Non, c'est un hamster pronostiqueur, le meilleur pronostiqueur de la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. Jusqu'à présent. À une époque, il y a eu un poulpe. Oui, Paul le poulpe. Voilà, nous on a acheté un hamster, c'est plus facile à mettre dans un studio. Oui. C'est sûr. Bon, on va revenir à tout ça, puis on vous attend en direct. Hein, si vous voulez passer dans l'émission, si vous avez un truc à dire, profitez, venez faire les cours avec nous. Vous nous appelez, et puis le 41759, le skyrock.fm, l'appli Skyrock, on arrive tout de suite. Et à demain, Fredo. Ciao, ciao. À demain. Et c'est parti. Et ciao, bah oui, Fredo. Coup d'envoi. Coup d'envoi. Envie de mater la Coupe du Monde.